Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce supplément de Tech Café. Si vous voulez l'essentiel de l'actu tech hebdomadaire, vous devez écouter l'épisode précédent du flux du podcast. On vous a parlé de la Google I/O avec une composante intelligente artificielle très forte, d'une part parce que c'est la tendance de cette année et c'est la tendance de tous les épisodes de Tech Café, mais aussi parce que c'était une composante forte de la présentation de Google. Et dans cet épisode, on a plein d'autres news tech à vous partager, un petit peu plus divers et variés. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je suis vraiment ravi de retrouver une fois de plus Guillaume Poggiaspala, qui a préparé, là encore une fois, le conducteur de cet épisode supplément. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais très bien. C'est fini, hein, cette fois-ci. On arrête de parler de la Google I/O ou pas ? Non ! Ah, il y en a encore ! On arrête de parler de la Google I/O ? Si, si, si, si, par contre. Ah, je croyais qu'il y avait un truc encore. Non, parfait, parfait. Ah bon, ça ? Lequel ? Non, non, je me trompe. Pardon. Non, non, je confonds. Il y a tellement de grosses boîtes maintenant qui proposent de l'IA, etc. C'est vrai. On peut vite s'y mélanger. Non, non, c'est plus de Google. Donc, on les met de côté. Mais évidemment, si vous vouliez tout savoir, c'est l'épisode précédent du podcast. Je me dois, une fois de plus, de vous rappeler qu'on attend vos avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict et sur les étoiles sur Spotify. On est vraiment ravis de les voir apparaître et ça nous permet aussi de valoriser le podcast et de montrer à ceux qui cherchent des bons contenus tech sur l'actu tech dans un format agréable et divertissant que Tech Café est un contenu de référence et on compte sur vous pour aller déposer. En plus, maintenant, je ne voudrais pas vous donner des idées, mais il y a des intelligences artificielles génératives qui vous permettent de déposer des avis sur les plateformes de podcast, de rédiger des avis très complets. Donc, vous pouvez presque vous amuser à glisser des choses ubuesques à me faire lire à l'intro des épisodes. Je ne voudrais pas vous donner trop d'idées, hein, malgré tout. Il y a d'ailleurs des tendances qui montrent à quel point on peut identifier des générations d'avis en masse dans les avis sur les produits Amazon, un peu partout sur Internet maintenant. Guillaume, allons-y, lançons-nous tout de suite dans le bain. Quelque chose dit qu'on va encore parler d'intelligence artificielle. Alors après, les intelligences artificielles génératives, les intelligences artificielles quelque part multimodales, on a là de l'omnimodal. J'ai presque envie de le présenter comme ça. De quoi s'agit-il ? Oui, oui, je sais, c'est vrai encore. Mais bon, cette semaine, je l'ai dit, hein, c'était n'importe quoi encore en termes d'IA, le nombre de news qu'il y a eu. Bon, on a parlé en long en large à la Google I/O, c'est vrai. Mais il y avait aussi plein d'autres trucs, comme Shapey, par exemple, qui crée des objets en 3D, comme Stable Diffusion crée des images, et Midjourney, d'ailleurs, qui va aussi se lancer dans la création d'objets 3D dans la foulée. Mais un des trucs les plus importants, j'ai l'impression, sorti cette semaine, c'est ImageBind. Alors, on parle beaucoup de modèles multimodaux, c'est-à-dire d'IA qui peuvent non seulement manipuler du texte, mais aussi autre chose. Donc, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est les images. Mais on pourrait aller plus loin en imaginant qu'un modèle comme nous, hein, d'ailleurs, comme nous on fait, manipule plein de modalités. C'est-à-dire qu'il manipule aussi du son, qu'il sente la température, qu'il prenne en compte les mouvements, etc. Alors, pour ça, et encore comme nous, hein, il faut que tous ces signaux soient compris par l'IA. Donc, qui, de toute façon, elle, ne manipule que des ensembles de nombres. Comme tout est représenté dans notre cerveau par des impulsions électriques, voilà, chez une IA, tout est représenté par des comme des nombres, comme des vecteurs. Donc il faut une représentation unifiée des signaux qui vont devenir finalement des images mentales qu'on peut associer après entre elles. Par exemple, j'ai une image mentale du chat, je sais que ça s'écrit chat, hein, c'est H-A-T. Mmh. Je peux imaginer une image de chat, du coup, si voilà, en lisant chat, dans un livre, je peux m'imaginer une image de chat. Et je peux aussi imaginer un miaulement de chat, j'ai une idée aussi de la forme du chat, etc. La texture de ses poils. La texture du chat, exactement. Et bon, toutes ces associations que font les diverses expériences du chat, et que j'ai eu en voyant et en entendant des chats au cours de ma vie, sont encodés et associés dans mon cerveau. Mmh. Ben c'est aussi en substance ce que fait ImageBind. Contrairement à ce qu'on peut croire en regardant les illustrations sur la page web de Meta, puisque c'est un modèle de Meta, ImageBind n'est pas un modèle génératif. Ce n'est pas un modèle comme GPT ou Stable Diffusion. ImageBind, c'est un plongement. C'est ce qu'on appelle un embedding. Et ce qu'il fait, c'est qu'il peut plonger 6 types de signaux dans un même espace et les associer dans cet espace. Donc il prend des images, des sons, des cartes de température et des cartes de profondeur, hein, des données de profondeur, et des données de mouvement aussi et du texte. Et il encode tout ça dans un espace mathématique sous forme de gros vecteurs, c'est-à-dire de grosses colonnes de nombres. Alors jusque-là, vous me direz, ouais, ok. Après tout, en informatique, on passe notre temps à encoder des trucs, à les digitaliser, comme on dit, c'est-à-dire à les transformer en nombres. Alors bon, je prends un peu n'importe quoi, voilà, je prends un fichier JPEG, un fichier WAVE, d'accord, c'est des octets. Je me fais une grosse liste de nombres qui leur correspond, voilà, en gros, je mets les fichiers côte à côte, quoi. Et puis, voilà, ça y est, j'ai une liste de nombres qui représente toutes ces modalités. Donc, c'est pas très impressionnant, en fait. Sauf que chez Meta, ils font pas ça n'importe comment. Ils le font de manière à ce que les signaux qui se correspondent soient proches les uns des autres. Donc dans cet espace mathématique, un miaulement sera représenté par un vecteur qui sera proche d'un autre vecteur représentant l'image d'un chat. Par contre, l'image d'un camion Ben sera très éloignée de du vecteur qui correspond au gazouille d'un oiseau, qui sera lui-même très loin du vecteur qui correspond au mot canapèche. Ce n'est pas un mot, je sais, pardon, l'expression canapèche. Donc le plongement, c'est-à-dire cet espace mathématique, est structuré de manière sémantique. Les choses qui se correspondent y sont proches, quelle que soit la modalité originale qu'il représente. Dans cet espace, en fait, j'ai un endroit, un lieu, où tout ce qui a trait au chat est regroupé. Si tu prends le mot chaton, une image de croquette, un miaulement, tout ça sera à peu près au même endroit. ImageBrain n'est pas un générateur en lui-même, mais il peut être utilisé avec des générateurs. Et pour comprendre comment Meta a mis au point ImageBrain, on va revenir à Clip et à Stable Diffusion. Alors, bon, vous connaissez tous Stable Diffusion, j'imagine, hein, voilà, on écrit ce qu'on veut, et puis on a une image qui se crée comme ça à partir de rien, et qui correspond à la description qu'on a donnée. C'est magique, on avait déjà évoqué ça, on avait un petit peu parlé de comment ça marche, mais on va revenir spécifiquement sur ce qui fait le cœur de tout ça, et ce qui fait le cœur de tout ça, en fait, c'est Clip. Alors, CLIP, ça veut dire Contrastive Language Pre-Training. Donc, bon, et en fait, chaque mot est important dans tout ça, mais on va y aller petit à petit. Alors d'abord, qu'est-ce que ça fait CLIP ? Bon, ben, CLIP, ça crée une représentation bimodale, c'est-à-dire deux modes, à la fois des images et des mots. Deux modalités, images et mots. Donc on a des paires images-description, et on va créer à partir de ça un espace mathématique qui représente de la même manière les mots et les images, et qui les regroupe ensemble. Pareil, hein, les mots qui correspondent à la représentation graphique, on va les grouper. Donc, une image de loutre s'en rapproche du mot loutre dans cet espace-là. Avoir un espace comme ça, c'est capital pour créer un générateur d'images. Parce que sinon, ben, comment tu fais avec le prompt ? Il faut bien associer le mot à l'image, bien sûr. Et ouais, si tu représentes à part les images et les textes, et comment tu les relis après ? Ben, tu peux pas. Pour partir d'un texte et avoir une image qui correspond, il faut avoir une représentation conjointe des deux. Et d'ailleurs, au passage, c'est aussi ça qui est vital dans le choix des données qui entraînent le modèle, c'est d'avoir non pas, j'imagine, hein, que des images ou que du texte, mais d'avoir des images qui soient bien catégorisées et qui soient bien décrites, en fait, non ? Oui, bien sûr. Oui, il faut des couples images et description, tout à fait. Il faut une partie modèle de langage, une partie codeur de l'image, mais il faut des couples images description pour les relier. Donc, une fois que tu te situes quelque part dans l'espace de clip, avec un prompt donné, tu peux construire une image avec ce qu'on appelle un sampler. En l'occurrence, avec Stable Diffusion, c'est un sampler, c'est une méthode pour débruiter les images qu'il utilise. Mais bon, bref, ce qui est important ici, c'est de comprendre que Clip est un réseau de neurones, lui-même, c'est un réseau de neurones, qui a été entraîné à créer une représentation sémantique conjointe à la fois pour le texte et les images. D'accord ? Qui se correspondent. Alors, comment ils ont fait, déjà ? Parce que c'est bien, mais enfin, comment on fait ? Et la réponse, en fait, elle est dans le C de clip. Et le C, il veut dire contrastive. Contrastive, donc, c'est pas contraceptif, hein, c'est contrastif. Contrast, tu vois, c'est contrastive. Ouais, c'est une méthode contrastive, c'est-à-dire qui agit par contraste. Alors, je vais être honnête, je sais pas trop comment ça se traduit vraiment en français, mais voilà, par contraste. Mais l'idée est assez simple, en fait. Dans le dataset, c'est-à-dire le méga ensemble de couples images-description qu'on a, on en prend un petit paquet, quelques dizaines, disons, et ensuite on prend les couples texte-image qui se correspondent, et on dit au réseau, ça doit être proche. Et par contraste, on lui dit, tous les autres exemples du paquet doivent être loin. Donc, en fait, bon, on regroupe les trucs proches, et donc, pareil, c'est là que c'est contrastif, si tu veux, c'est qu'on lui montre des exemples et des contre-exemples, en fait, en quelque sorte. Donc, petit à petit, en faisant des millions de paquets, on va forcer le réseau à disperser les trucs qui ne s'associent pas, et à rapprocher les trucs qui s'associent. Okay. Sur des milliards d'exemples, l'exemple va donc se structurer petit à petit. Et c'est comme ça qu'on crée les plongements qu'on veut. Les plongements, ce qu'on appelle les plongements, en général, les embeddings, sont donc créés par des réseaux de neurones, par des IA en quelque sorte, et ensuite ces plongements servent à d'autres IA, d'autres réseaux de neurones, d'autres IA. Donc dans le dossier, on a parlé de GPT, qui utilise un plongement sémantique pour les mots. Et là, on vient d'évoquer Stable Diffusion, qui utilise le plongement clip, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, revenons quand même à ImageBind. Donc, comment ils ont fait chez Meta ? Ben, ils ont pour créer donc un plongement unique pour 6 modalités. Comment ils ont fait pour rapprocher toutes les modalités, les associer, etc. Est-ce qu'ils ont associé et dissocié toutes les modalités 2 à 2, comme ils ont fait avec Clip, par exemple ? Ça fait beaucoup, ça fait très lourd, parce qu'il y a même 30 possibilités. Hein. Donc, c'est vraiment lourd. Leur bonne idée, c'est qu'ils sont passés par un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est les images. En fait, ils ont juste associé à chaque modalité les images qui correspondaient. Et ils ont constaté que ça suffisait. Donc concrètement, ils ont forcé le réseau à rapprocher les images de loutre des sons de loutre, et ensuite, ils ont forcé le réseau à rapprocher les images de loutre des textes de loutre, enfin des textes sur les loutres. Et une fois que c'était fait, ben, ils ont vérifié que les textes sur les loutres étaient proches des sons sur les loutres. Ok, donc la clé c'est l'image, ils associent les autres modalités à l'image et ensuite ils vérifient si les autres modalités entre elles sont proches en étant bien rapprochées des mêmes images quoi. C'est ça, on utilise les images comme intermédiaires et ensuite les choses se rapprochent toutes seules. Pourquoi donc, l'image et pas les mots d'ailleurs ? Je pose la question à la volée, hein. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis comme clé avec les images et pas ça ? Non. Alors, pour être honnête, il n'est pas exclu qu'on puisse utiliser une autre modalité intermédiaire. Okay. Mais je suppose aussi que la richesse en termes d'information dans une image de loutre est plus importante que celle dans les textes sur les loutres, ouais. Si tu veux. Mmh. Je pense qu'il y a aussi cet effet-là. Il y a beaucoup de choses, si tu veux. Tu vois. C'est peut-être un ancrage qui est plus fort parce qu'il y a plus d'informations, sans doute, dans les images sur les loutres. Je sens que tu aimes les loutres en ce moment. Mais... Et j'adore les loutres. Mais c'est vrai en plus. Et donc, ils se sont appuyés sur des... Alors, ils se sont appuyés sur des choses qui existaient déjà aussi, hein, sur des encodeurs efficaces qui existaient déjà, donc des Vision Transformers pour les images, par exemple. Et ils les ont associés. Donc, ils ont associé toutes les modalités aux images. Et ça suffit, en fait, pour associer toutes les modalités entre elles. Okay. Donc, c'est malin et c'est la porte ouverte à des systèmes qui sont, du coup, massivement multimodaux. Et c'est pour ça que leur plongement s'appelle ImageBind, c'est-à-dire lien par les images, tout simplement parce que tout est lié par l'intermédiaire de ces images, de cette modalité-là, de modalité graphique, quoi, les images. Alors pour conclure, donc j'ai dit qu'ImageBind n'est pas un modèle génératif, et pourtant, dans la page web de Meta, on voit dans ce post de blog hein, qu'ils créent des images à partir de sons. Ils le disent explicitement. Alors comment ils ont fait ? Ben, en fait, ils ont connecté à ImageBind une version de DALL-E. Et c'est là que la puissance incroyable de ce genre de système apparaît vraiment. Parce que qu'est-ce qu'il fait DALL-E ? Ben, il part d'un texte et il fait une image exactement comme Stable Diffusion. Mm-hmm. Et comme on a vu, comme Stable Diffusion, ça veut dire qu'il encode un texte comme un vecteur et qu'il le plonge dans un espace d'où le réseau peut partir pour générer une image par diffusion. Oui. D'accord ? Oui. DALL-E part donc d'un espace, d'un embedding, qui plonge conjointement le texte et les images. Okay ? Mais si on a un embedding qui plonge du son et des images... Ben on va faire exactement pareil. On part de ce nouvel embedding. Et le lieu d'où on part, ça ne représente plus un texte, mais ça représente un son. Donc ImageBind s'occupe de faire la représentation de l'espace. Il plonge le son dans un espace, certes, dans un certain lieu de l'espace. Tu vois ce que tu dis mm-hmm. Et après, donc, dans cet embedding, ben, DALL-E, il part de ce point-là. Et après, il fait exactement la même chose. Il fait comme d'habitude. Tu vois, c'est la partie générative de DALL-E qui part de la représentation de l'espace de ImageBind, qui est construite par ImageBind. Et ensuite, on fait exactement comme d'habitude. Ouais, quelque part, c'est pas une intelligence artificielle générative, mais ça peut servir, je sais pas, l'analogie est peut-être à chier, mais ça peut servir de plan pour qu'une intelligence artificielle générative fasse une association sur la base de son travail habituel pour générer d'autres modalités de contenu. Oui, finalement. C'est-à-dire, les plongements, en fait, sont utilisés tout le temps parce que les IA ont besoin de représentations qui leur sont propres, c'est-à-dire de représentations mathématiques qui leur sont propres. Et en fait, c'est souvent des IA qui créent ces autres représentations. C'est vrai aussi pour les textes, hein. C'est la même chose en fait. Hein. Quand on regroupe les mots sémantiquement, on le fait aussi en utilisant des réseaux qu'on entraîne pour ça. Donc on entraîne des réseaux pour donner des bonnes représentations, ensuite on entraîne sur ces bonnes représentations des IA pour faire d'autres tâches à partir de ces représentations-là, tu vois. On peut revenir sur les modalités qui sont concernées. Il y a les images, le texte, l'audio. Je vois les profondeurs, les cartes de chaleur, les IMU. De quoi s'agit-il sur ces différentes modalités-là ? Oui, bah c'est ça en fait. Effectivement, il y a plein de choses. Et donc, du coup, oui, si tu utilises un fichier WAVE qui contient un miaulement de chat, tu pourras avoir une image de chat. Mmh. Et tu peux coupler, ImageBind à d'autres IA. Donc, c'est vrai que du coup, tu peux décrire du texte avec du texte et une image. Tu vois, tu peux faire. Enfin, tu peux décrire une image. Tu prends une image et tu peux la décrire avec du texte. D'ailleurs, tu peux. Faire de la reconnaissance optique ou même de l'OCR gratos au passage. Tu vois, parce qu'effectivement, quand tu plonges l'image, ben en fait, elle est proche de certains textes et le texte dont elle est proche, c'est la description de l'image. Ouais. Tu vois. Et donc, tu peux aussi sonoriser une image. Donc, s'il y a un truc, donc un train va évoquer un son de train, une plage va évoquer un son de vague, etc. Et tu peux aussi associer plusieurs modalités. c'est comme c'est montré dans un exemple. Ça, c'est rigolo. Il y a une image de pigeon et tu peux mettre le son d'un vélo moteur aussi. Et ça va générer une image d'un vélo moteur avec des pigeons qui s'envolent. Parce que c'est très rare d'avoir un pigeon qui fait un bruit de vélo moteur. Donc, tu vas savoir. Et donc oui, effectivement, comme tu dis, il y a plein d'autres modalités. Alors par exemple, oui, il y a les images infrarouges qui correspondent, effectivement. Il y a des données inertielles, c'est-à-dire des données qui sont recueillies par des accéléromètres, des choses comme ça. Des données qu'on peut typiquement retrouver sur des casques de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle, tu vois, et ce genre de trucs. Et donc, effectivement, ImageMind peut regrouper tout ça et après, on peut en faire quelque chose. C'est une base, si tu veux, pour des choses futures, qui est vraiment extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, le fait qu'il puisse se servir de données de mouvement est aussi super intéressant parce que, comme un auditeur l'avait justement fait remarquer, ça ouvre la voie à des IA qui pourraient servir dans des contextes de réalité augmentée ou virtuelle pour justement générer des choses ou reconnaître des choses. Oui. C'est reconnaître un certain ensemble de mouvements, etc., etc., ou compléter un mouvement, etc., tu vois, ou corriger, par exemple, des problèmes au niveau des capteurs, etc. Donc, c'est un modèle qui est vraiment super intéressant. Et cerise sur le gâteau, il est open source. Bravo, bien joué, Meta. C'est rigolo parce que c'est assez régulièrement qu'on peut tenter de se moquer de Meta en disant « Ah, ils ont éloigné leurs travaux de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du métavers, parce qu'il y a une hype autour de l'IA et ils surfent plutôt sur cette hype du moment. » Et en même temps, c'est marrant de voir aussi que les travaux-là qui sont menés et les propositions qui sont faites pourrait avoir peut-être à terme un jour des applications sur de la réalité augmentée. Donc intéressant comme proposition de Meta. Alors, du coup, je t'ai tellement écouté, j'ai tellement interagi avec toi. On en est où dans notre petit conducteur? Est-ce qu'on en est au LLM qui comprennent des LLM? Non, mais je vais enchaîner dessus, mais juste avant de mentionner, effectivement, ImageBind est open source, comme Llama, et c'est vrai que Meta semble continuer sur cette voie, hein, et c'est une très bonne chose. Ils sont sur cette ligne depuis un moment, Kama Galactica aussi est libre, et voilà, c'est très cool qu'ils s'y tiennent. On a parlé longuement la semaine dernière à Google comme OpenAI se referme un peu, c'est très dommage. On peut, alors, peut-être autant pour eux que pour la communauté, on ne sait pas qui va en souffrir le plus, mais bon. Cela dit, ça change un petit peu cette semaine, puisque OpenAI a annoncé qu'il va publier... Oui. Ouais, tu l'as vu, un modèle en open source, un de ces modèles de langage. Alors peut-être que voilà, ils sont un peu verts de voir tout le monde être foufou avec les modèles de Meta ou de Mosaic. Alors lequel, aucune idée, l'architecture de GPT-3 est parfaitement connue, mais pas celle de GPT-4. GPT-3.5 est probablement identique. Par contre, on a un accès libre, les poids de GPT-1 et 2 déjà, donc ça serait un petit peu étonnant que GPT-3 soit libéré. C'est encore moins probable qu'une version même petite de GPT-4 le soit, mais bon, on va savoir. En tout cas, c'est, voilà, l'open source met un petit peu la pression sur les grosses boîtes et voilà, franchement, c'est assez cool. Et tant mieux. Bon. Et j'en profite, puisque en parlant d'open source, il y a un sujet, je t'en ai pas parlé directement, Guillaume, il y a un supplément qui va arriver dans Tech Café. Abonnez-vous si vous êtes décidément pas abonné à Tech Café. On va parler d'open data et il y a des parallèles à faire comme ça sur les démarches de développement en open source et les approches open data. Chaque chose en son temps, on en reparlera. Très bien. Et oui, donc j'enchaîne sur les modèles de langage parce que on entend très souvent que le réseau de neurones c'est une boîte noire et bon, c'est pas complètement faux, surtout pour les très gros, mais c'est pas non plus entièrement vrai. Il est parfois possible de savoir quelle partie du réseau fait quoi, d'en avoir une idée en tout cas. Quand on fait de la reconnaissance d'images avec des réseaux de convolution par exemple, ben on peut parfaitement visualiser les images filtrées au fur et à mesure, les images intermédiaires qu'il produit et constater que certains neurones détectent certaines caractéristiques de l'image. Là, c'est assez visuel. Et quand on fait des transformers, on peut aussi essayer de visualiser sur quoi porte leur attention et même sur des transformers qui font de la vision aussi, c'est assez visuel. Tu vois quels motifs sont associés, etc. Mais bon, en général, c'est quand même très difficile de dire quel ensemble de neurones fait quoi. Et chez OpenAI, ils ont peur de rien. Ils ont voulu savoir quel neurone faisait quoi dans GPT-2. Alors, GPT-2, bon, c'est un vieux truc maintenant. C'est un vieux truc, ça date d'il y a quelques mois, voyons. Non, GPT-2, ça date... Oui, c'est plus ancien que ça, pardon, c'est vrai, en plus on en parlait. Oui, c'est un petit peu plus ancien que ça. Exactement. Quand même, c'est 2019, non, c'est 2020, je crois que c'est 2020. L'âge de pierre. Et bon, GPT-2 est relativement simple pour les standards actuels, il fait 1,5 milliard de paramètres. Donc, c'est très peu par rapport à Palm, etc. Mmh. Mais c'est quand même beaucoup dans l'absolu, 1,5 milliard de paramètres. Donc, la méthode qu'ils ont utilisée est assez originale, puisqu'ils utilisent GPT-4 pour expliquer GPT-2. Alors, ils ne lui demandent pas directement, bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ils utilisent la puissance d'analyse linguistique de GPT-4 en bout de chaîne. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer plein de morceaux de texte. des passages de texte hein, qui font lire hein, entre guillemets à GPT-2. Alors le but c'est pas de créer quoi que ce soit, mais c'est de surveiller les neurones de GPT-2 pour voir lesquels s'activent le plus souvent sur un bout de texte donné. En fait. Mais c'est exact, tu sais que c'est à peu près ça. On lui scanne le cerveau, on voit comment les neurones s'activent quand il fait les trucs. Tout ça pour associer des bouts de texte, des tokens, à des neurones qui s'activent fréquemment dessus. Et après, il faut voir pourquoi. Et là, c'est pas évident. Et c'est là qu'il demande à GPT-4 de repérer, dans les bouts de texte qu'on a repérés, des choses similaires, c'est-à-dire des trucs, des structures qui pourraient correspondre aux neurones qui s'activent. Et ça marche moyen, en fait. Mmh. Avec cette méthode, ils ont généré des explications potentielles pour 307 000 neurones, mais avec des niveaux de confiance très très variables, et en fait, ils sont raisonnablement sûrs de leur explication que pour 1000 neurones, à peu près. Soit une toute petite fraction du 1,5 milliard qu'a GPT-2. Donc ça montre bien la complexité de la tâche, mais ce qu'ils ont trouvé, c'est quand même intéressant, par exemple, ça montre quand même un petit peu que au plus on est profond dans le réseau, au plus les neurones qui sont là-dedans correspondent à des concepts, enfin, disons, analysent des concepts abstraits ou qui sont plus ou moins connexes au truc. Alors, par exemple, ils donnent des exemples. Alors, par exemple, le mot cat, cat, K-A-T, comme dans KitKat, hein, l'exemple mentionne une phrase avec les KitKat, donc c'est vraiment le truc sur la bouffe. Ça active les neurones des couches 0, 3, 13 et 25. Sur la couche 0, en fait, ça correspond aux mots qui commencent par un K majuscule. Bon, okay. C'est basique. Hein. Facile. Sur la couche 3, c'est les noms féminins. Parce qu'effectivement, 4, ça pourrait être la diminutif de Catherine, tu vois, ce genre de truc. Okay. Sur la couche 13, c'est des mots ou des phrases qui sont liées aux marques et au business, parce qu'il a repéré que KitKat, c'était une marque. Et, sur la couche 25, c'est des termes qui sont liés à la nourriture. Donc tu vois qu'il y a vraiment... C'est rigolo. Il repère des concepts, quoi. Il repère qu'effectivement, KitKat, c'est une marque liée à la nourriture. En plus d'un mot qui commence par 4, tu vois, donc c'est assez rigolo. Un dernier exemple, le mot hiding. Donc, hiding, se cacher, quoi. Active des neurones sur les couches 0, 2, 4 et 17. La couche 0 sont des neurones qui sont liés aux mots qui finissent en ing, donc le gérondif, quoi, voilà, c'est tout. Dans la couche 2, ce sont des neurones qui sont liés au concept de se cacher ou au concept de dissimuler des trucs. Dans la couche 4, c'est les mots qui sont reliés au stress et à l'anxiété. Et dans la couche 17, c'est les mots qui sont reliés au silence et à la tranquillité. Donc c'est intéressant, tu vois, c'est de voir un petit peu, t'as un peu l'impression de voir comment il réfléchit vaguement. Et bon, c'est intéressant. Après, évidemment, c'est à une échelle qui est assez petite, quoi. Donc, on a peine à imaginer comment appliquer ça pour avoir ne serait-ce qu'une vague idée de comment ça marche sur un monstre de 100 milliards de paramètres. Mais bon, ouais, c'est quand même intéressant à voir. Ça met quand même en lumière le caractère très organique de ces outils, je trouve, parce qu'on est quand même en train d'essayer de décortiquer un truc qu'on a créé. C'est-à-dire, c'est un truc technologique qu'on a créé, que l'humain a créé, mais qu'on essaye de comprendre a posteriori. Et moi, je trouve ça absolument effrayant et captivant. Il y a un concept un peu poétique derrière tout ça. On a vraiment l'impression qu'on a recréé une forme de vie et qu'on essaye de l'étudier. Et évidemment, cette analogie a vite ses limites. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit et n'allez pas y voir des parallèles flippant comme on peut en voir dans l'actualité autour de l'intelligence artificielle. Flippant, c'est peut-être un petit peu les utilisations qui sont faites de la tech et désolé, on va reparler un petit peu de Microsoft dans ce domaine, Guillaume. Oui, le monde du travail est tout pété, et c'est pas moi qui le dis, c'est Microsoft. C'est une étude de Microsoft, c'est le World Annual Trend Index 2023. Et d'ailleurs, 2033, c'est sans doute... il serait un peu en avance. Mais... Tous les cas, la conclusion de ce truc-là, c'est que, c'est tout pété, et c'est probablement un peu la faute à Microsoft quand même. Oups. Alors, mais c'est pas comme ça qu'il interprète son étude, on va dire. Voilà, lui, il interprète son étude comme un besoin criant de l'IA. Voilà, il faut plus d'IA au bureau. Alors, dans le détail, ça dit quoi ? Alors, dans le détail, on va prendre quelques chiffres. Des chiffres qui surprendront sans doute personne, puisque 78% des répondants disent ne pas avoir assez de temps pour se concentrer sans interruption au cours de leur journée de travail. De même, en moyenne, les travailleurs passent 57% de leur journée à communiquer et seulement 43% à faire vraiment des trucs. Ouais. Et d'ailleurs, si on décortique, donc ils passent 23% de leur temps en meeting Teams, 19% en chat Teams, 15% sur leur email. Et du côté créatif, productif, il est divisé à 18% sur Excel, 10% sur Word, 7% sur OneNote et 8% sur PowerPoint. Du coup, je ne sais pas si ces 8% sont de ce côté ou du côté communication, en fait. Hein, mais bon, bref. Donc, les plus gros utilisateurs du mail passent 8,8 heures par semaine dessus et les plus gros réunionneurs passent 7h30 par semaine en réu. Sachant que c'est combinable. Donc, il y a sûrement des gens qui passent plus de 2 jours par semaine à communiquer. On se demande pas pourquoi. Bon, la solution à tout ça, ben, foutre la paix aux gens pour qu'ils puissent faire leur boulot, par exemple. Non, bien sûr que non. La solution, c'est l'IA, bien sûr. C'est encore plus de logiciels pour encaisser le volume de communication généré par une foule d'autres logiciels. Bien entendu, le copilote va venir vous sauver en vous permettant de répondre quasi tout seul aux emails et avec des réponses voilà, plus mieux, plus longues. Vous pourrez répondre à tout, tout le temps, voilà, comme tout le monde, puisque tout le monde va faire ça. Car je cite, tout employé mérite les compétences des IA. Il ne mérite pas un bureau calme et une porte qui ferme pour pouvoir se concentrer sur le boulot. Non, non, il mérite une IA. Bon, je caricature un peu, mais voilà, je ne sais pas à quel point ce truc va vraiment améliorer le... Le truc au boulot, bon, enfin, cela dit, le rapport de Microsoft est assez intéressant. Il est riche de chiffres et il est très bien présenté. Si ça vous dit, c'est une lecture qui est presque agréable. Et le lien est dans les notes de l'épisode. Mais ce qui est sûr, c'est de voir à quel point les outils de messagerie instantanée, on peut mettre des Slack derrière hein, ou Teams, arrivent à prolonger les biais qui ont été amenés par l'email. Je trouve ça marquant dans le monde du travail de voir qu'on a trouvé, l'être humain a trouvé une solution pour rendre désirable au premier abord, parce qu'après, ça saoule. Le fait d'être encore plus dépendant d'un outil de messagerie sur des micro-informations, alors qu'on se plaignait déjà de l'email. Bon, bref. On continue, Guillaume, qu'est-ce que tu as dans ta besace ? Eh bien, écoute, j'ai une petite citation. Au Forum économique mondial, Michael Schwartz, qui est l'économiste en chef de chez Microsoft, s'est distingué avec une sortie sur l'IA qui est finalement assez typique d'un économiste, puisqu'il dit on ne devrait pas réguler les IA avant qu'il n'y ait des dommages réels et significatifs et pas sur des scénarios imaginaires. Bon, c'est assez typique de la Silicon Valley aussi. Hein. On y va à fond, on pète des trucs et après on essaye vaguement de réparer le bordel comme on peut, si on peut. C'est toute vrai une idéologie hein, qui nous amène donc à notre mode actuel, à notre monde actuel, hein, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés et puis ses catastrophes apocalyptiques en devenir. En gros, pour lui, le poids des régulations pèse sur l'innovation et on peut comme ça se priver de bénéfices qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas régulé ou si on avait régulé de manière plus pertinente. Quitte à le faire après coup, comme ça on peut prendre la mesure de ce qu'il faut faire. Alors plus loin, il essaie un petit peu de se rattraper en affirmant qu'il ne faut pas trop, voilà, qu'il ne faut pas surréguler, hein, qu'il ne faut pas se priver d'un milliard de dollars de bénéfices pour $1 million de dommages. Et tant pis pour les victimes de ce million de dollars de dommages. Mais bon, c'est un économiste Microsoft, hein, c'est pas Mère Teresa, donc voilà. Et il dit quand même évidemment qu'OpenAI et Microsoft sont à fond pour s'assurer que la technologie est sûre, hein, comme toutes les autres technologies. Voilà, il faut faire confiance aux grosses boîtes, parce que finalement, elles savent mieux, parce que c'est les expertes de leur domaine, après tout. Je veux dire, regarde Meta. Non, ne regarde pas Meta. Mais bon, il ne faut pas brider l'innovation. En tout cas, pas maintenant, parce que Microsoft, il va être tranquille pour taper Google. Tu vois, il a trouvé un truc pour le déstabiliser, donc il va à fond le bougre. Là, et puis, il commence à se rebiffer, Google, donc c'est pas le moment. Pas le moment que l'arbitre vienne emmerder le monde. Il est chaud, là, il est brûlant, il va lui bouffer une oreille, donc voilà, laisse tranquille. Je suis pas sûr que l'Union européenne, par exemple, le voit de cette oreille-là, mais bon, écoute, on verra ce qui s'applique. Un petit mot du côté de ton chouchou, Guillaume. Tu voulais mais absolument oui. faire une petite news autour de Firefox. Vas-y. Oui, puis surtout, c'est le truc Microsoft aussi. Autre illustration de la posture ultra-offensive de Microsoft sur le créneau de la recherche, il voudrait que Bing devienne le moteur de recherche par défaut de Firefox. Vous voyez bien que Firefox est un navigateur majeur. Voilà, installez Firefox. Vous pourrez toujours changer de moteur de recherche après, de toute façon, le cas échéant. Mais bon, voilà, ça pourrait donc apporter en plus pas mal de pognon en Mozilla. Ce deal-là, s'il fait monter un peu les enchères, bon, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour eux. Évidemment, ça représente quand même qu'une part de marché assez petite. La question inévitable, c'est Microsoft est-il prêt à sortir le chéquier Platinum pour virer Google sur Safari ? Parce que Google paye cher pour être le moteur de recherche par défaut chez Apple, mais s'il casse autant depuis des années, c'est que c'est très rentable. Microsoft, il a les moyens de payer pour le déloger. Et ça commencera à le fragiliser réellement pour le coup. Alors, en plus, c'est pas si cher que ça, c'est juste 15 milliards de dollars par an. Oh, voyons, c'est pas grand-chose quand on propose... C'est 4,6 fois moins qu'un Activision Blizzard. C'est ça, j'allais faire c'est la comparaison. Ouais. J'ai pas fait le calcul, donc, mais... Ah bon, après, c'est tous les ans, hein, donc voilà, bon, si l'acquisition se fait. D'ailleurs, si l'acquisition se fait, peut-être qu'il sera raide, Microsoft, il va peut-être pas le faire. Mais bon, je sais pas. Donc, tous les cas, ça montre voilà, que Microsoft est très combatif sur le secteur. Et ça montre qu'il faut absolument installer Firefox, un navigateur majeur qui va bientôt s'arracher dans l'univers des moteurs de recherche. Bon, je sais que tu as une histoire d'amour particulière, Guillaume, avec les chatbots qui ont parfois des résultats et des comportements un petit peu erratiques et souvent grotesques ou ridicules. Là, j'avoue que j'ai bien rigolé quand j'ai vu ce que tu as partagé, que je n'avais pas vu, moi, passer dans ma veille, mais les comportements des interfaces robotisées au McDo. Et oui, ça y est, les serveurs de fast-food arrivent. Les serveurs de fast-food, IA, bien sûr, arrivent, hein, les robots. Alors, en tout cas, la chaîne américaine Wendy's va tester hein, les prises de commandes automatisées au drive, et c'est ambitieux parce que le drive, c'est sans doute le pire endroit pour faire ça. Vraiment, hein. C'est en extérieur, il y a le bruit des voitures, il y a celui des enfants qui gueulent derrière, il y a celui des passants, il peut pleuvoir, éventuellement il peut y avoir des bruits de n'importe quoi. Les gens sont indécis, changent d'avis 5 fois en 5 secondes, c'est n'importe quoi. Donc Wendy's collabore avec Google et ils ont l'air confiants que tout ça ne tournera pas à la catastrophe industrielle. Alors l'IA sera fine-tunée sur le vocabulaire spécifique Wendy's, hein, qui va avoir une connaissance encyclopédique sur tous les sandwichs et sodas de la chaîne. Et bon, McDonald's aussi fait des tests sur la prise de commande automatisée, et c'est ça que t'as vu. Oui. C'était, on va dire que c'est plus ou moins réussi. Tu vois, il y a pas mal de vidéos virales. Non, je ne veux pas de ketchup, massivement. Il y a des vidéos virales de clients qui deviennent absolument dingues dessus. Donc ça n'a pas l'air gagné, mais bon, alors après, voilà, c'est des vidéos virales, c'est les plus marrantes. Hein, ouais, est-ce que bien ça sûr. Se passe bien dans la majorité des cas, ça, je ne sais pas. On verra. On verra, sinon ça sera pour les pieds des employés de Wendy's jusqu'à ce que ça marche vraiment bien et qu'on en vire 30%. Ouais, va savoir. Mais c'est pas gagné, effectivement. Oui, j'avais pas en tête le fait que c'était probablement le pire endroit pour tester ce type d'automatisation. Mais je le comprends avec ton illustration et tes exemples. On va parler un petit peu d'IBM. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé, Guillaume, d'IBM, et pourtant, il bosse aussi dans l'intelligence artificielle. Mais même, ils étaient précurseurs. Alors d'ailleurs, pourquoi j'ai dit 30%? Bah, parce que ce sont justement les projections d'IBM. Arvind Krishna, donc, qui est CEO d'IBM, a lui-même estimé que dans l'avenir, 7800 postes de back-office pourraient être remplacés par des IA. Ça. Et ça fait dans les 30% de leur effectif. En conséquence, IBM prévoit d'ailleurs de ralentir le rythme des embauches sur les 5 prochaines années. Hein. Les postes visés ne sont pas explicitement spécifiés, mais il s'agit d'emplois avec des tâches qui sont vraiment bien définies, bien délimitées. D'autre part, IBM annonce un retour de Watson. De la marque Watson. Alors souvenez-vous, Watson, il y a une dizaine d'années, Watson, c'était cette IA d'IBM qui battait à plate couture des humains dans une émission télévisée de Jeopardy. Et à l'époque, je croyais que le futur était déjà là, voilà, que l'informatique cognitive allait se propager partout. Et IBM aussi le croyait. Ils ont essayé d'adapter leur tech et leurs IA à divers endroits, un petit peu partout, dont la médecine. Et ça a foiré complètement. Voilà, ça n'a jamais collé nulle part. Ça a été une catastrophe. C'est vrai, en plus. Ouais. La branche Watson a été un échec, et d'aucuns disaient que je m'étais moi-même complètement mis le doigt dans l'œil, alors que pas du tout, j'étais juste en avance sur mon temps. Voilà, c'est désormais la version officielle, celle que j'écrirai dans mon autobiographie. C'est la page Wikipédia, mettez ça. Exactement, j'étais en avance sur mon temps, j'avais 10 ans d'avance, et puis c'est tout. D'ailleurs, j'attends impatiemment le retour du mini-disque et la Dreamcast 2. Oui. Donc, clairement, l'informatique cognitive, il faut le reconnaître, elle fait un comeback. Avec les IA modernes, il n'y a pas de problème. Oui. Et bon, bah, IBM se met au goût du jour avec Watson X. Alors Watson X, c'est pas une version porno de Sherlock Holmes. Ah, hein, il doit y en avoir des dizaines, t'inquiète pas. Cherche sur Pornhub, à mon avis, il n'y a pas de problème. Cherche Watson X. Mais non, Watson X, c'est une offre de service IA dans le cloud très analogue à ce qu'NVIDIA propose lui-même, hein, des modèles clés en main, à personnaliser selon ses goûts, et évidemment le matos derrière pour le faire. Pour un prix pas du tout modique, mais bon voilà. Et tout le monde propose désormais ce genre de service hein, à base de GPU NVIDIA ou autre, de TPU ou autre chose. Donc il y a NVIDIA, il y a IBM, il y a aussi Google, Azure, Amazon aussi, qui a d'ailleurs ses propres puces IA. Tout le monde propose des IA dans le cloud, et IBM va profiter d'ailleurs de son propre matos pour développer ses propres systèmes qui lui permettront de virer ses propres employés à hauteur de 30%. Et la boucle est bouclée. Excellent. La boucle est bouclée. On va parler un petit peu, Guillaume, de Clearview. C'est cet outil de reconnaissance faciale qui s'appuie sur des données collectées assez massivement sur Internet. C'est un véritable aspirateur d'images, de photos et de textes qui a peut-être d'ailleurs un avenir peut-être un peu compliqué devant lui parce qu'il va falloir maintenant composer avec les images qui sont générées par les intelligences artificielles. Je ne doute pas qu'ils ont prévu le coup et qu'ils ont un petit peu d'avance, mais c'est une entreprise pour le moins sulfureuse parce que cette pratique, elle n'est pas forcément complètement RGPD. Et ils sont condamnés. Alors Guillaume, ils ont été même, je crois, multi-condamnés. Ça y est, on va pouvoir enfin espérer qui vont payer des grosses amendes, qui vont leur faire voir les choses autrement à Clearview, désormais ? Eh ben non, parce que chez Clearview, ils ont une devise, et cette devise, c'est OSEF. Voilà. Clearview, c'est le Dyson des photos de profil. Hein. Voilà, ils ont été poursuivis aux US pour ça, ils ont été condamnés par la CNIL ici même, dans notre beau royaume de France, et évidemment, avec la couche RGPD en plus, veuillez forcément aspirer le web entier pour associer des noms et des visages pour ensuite revendre le service de reconnaissance faciale, voilà, tout sans rien demander à personne, ça passe assez mal. Mais Clearview s'en fout. Condamné à 20 millions d'euros d'amende en 2022, il a juste rien entendu. Voilà. Le 13 avril dernier, la CNIL lui a imposé une pénalité de 2,5 millions et ben rien. Voilà. C'est rien du tout. Ils se battent avec, ils s'en battent les reins complètement. C'est même impressionnant. Clearview est confortablement installé aux États-Unis et il fait une sorte de doigt d'honneur silencieux à peu près tout le monde. Incroyable. Et dans un rare communiqué, ils indiquent qu'ils n'ont ni clients ni sociétaires en France. Donc, bah, gros bisous et gros fuck you. Clearview a pas de race, c'est pas nouveau. Il va falloir que la CNIL saisisse la justice américaine pour espérer peut-être lui faire lever un sourcil, mais je sais même pas. Enfin, il va falloir des fois des moyens pour faire ça. Je sais même pas si elle va aller jusque-là. Enfin, c'est terrible. On leur donne, on leur donne bien du courage. Dans cette démarche, en plus, quand le juridique se mêle à l'international, c'est pas gagné. Je disais que Clearview aurait peut-être du mal à l'avenir pour arriver à digérer les images générées par l'intelligence artificielle. Tu voulais te repencher à nouveau un petit peu, Guillaume, sur les deepfakes. Bah oui, quand ils sont apparus, on pensait que les deepfakes allaient rapidement se propager partout et foutre le boxon sur tout Internet. C'est pas encore arrivé, mais c'est en cours. Un petit peu de patience. Parce que chez Kaspersky, ils sont allés voir un petit peu l'état du marché sur le dark web. Parce qu'il y a un marché, vraiment, des gens qui cherchent des prestations de deepfake et des talents, hein, qui le monnaient, ce talent, enfin, qui monnaient donc ces prestats, pour quelques dollars ou quelques bitcoins. Alors, pour quelques dollars, beaucoup de dollars, parce que pour de la vidéo, les prix varient entre 300 et 20 000 dollars la minute, selon la qualité. Alors, les plus chers sont d'un réalisme total, par contre, hein, les visages sont photoréalistes, en HD, ça exprime des émotions, enfin, c'est parfait. Un exemple, c'est Vitalik Buterin, par exemple, le fondateur d'Ethereum, qui est disponible en version synthétique. En moins de 2 semaines, si tu veux, tu peux avoir une vidéo de lui qui dit absolument tout ce que tu veux et qui est indiscernable d'une authentique si tu y mets le prix. Donc Buterin n'est pas la seule célébrité à se retrouver malgré elle en train de faire la promotion d'une arnaque crypto quelconque. Hein. Il y a tellement de matériel disponible en ligne que pratiquement n'importe quelle célébrité en fait est concernée. Mmh. Le coup classique, c'est un mec connu comme Elon Musk hein, qui fait la promotion d'un site qui fait par exemple une opération spéciale pendant un temps limité, hein, si tu déposes tant de crypto sur tel site, il te double ton dépôt, c'est pas gentil ça. Bon, il y a pas que le domaine des cryptos, il y a aussi le porno en deepfake bien sûr qui peut servir à faire du chantage ou du harcèlement. Et bien sûr, il y a la désinformation, elle est à la portée de n'importe qui, hein, puisqu'il y a déjà même un marché de prestataires. Et les lignes commencent déjà à se brouiller, hein. Il y a une vidéo du président Ali Bongo au Gabon qui était malade et qui a été pris pour un deepfake dès 2020. Mais en ce moment même, je ne sais pas si tu as vu, il y a les deepfakes qui s'invitent dans la campagne présidentielle turque. Parce qu'il y a une vidéo de Erdogan qui parle parfaitement anglais, qui a fait un peu les gros titres comme ça, mais c'est surtout la vidéo porno de Kemal Kılıçdaroğlu. Qui est pas évident, opposant donc à Erdogan, qui est marquante. Donc le mec qui est un papy, quand même, il apparaît dans une sextape, et cette sextape est apparemment fausse, et ça a été imputé aux Russes. Alors le deepfake réussit à pousser quand même Kemal à se retirer de l'élection. Vrai, alors lui il dit que c'est faux, c'est probablement faux, après, évidemment c'est compliqué, je l'ai pas vu, un manifeste, heureusement je l'ai pas vu, mais disons que voilà, je peux pas vraiment juger. En tout cas, le fait qu'il soit parti, qu'il accuse les Russes, c'est exploité contre lui par Erdogan, qui dit que c'est des magouilles, etc. Alors bien sûr, ça a des répercussions importantes tout ça, hein, stratégiques, hein, parce que la Turquie c'est quand même un obstacle à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Elle continue à acheter du gaz russe, elle n'est pas super zélée pour empêcher la contrebande sur son sol, tu vois, entre la Russie et le reste du monde. On avait parlé ici même de contrebande de puces, d'ailleurs, qui transite probablement par là. Donc de là à penser qu'effectivement la Russie a bien un intérêt à ce qu'Erdogan reste et que ça vaut bien un petit deepfake porno, il y a un petit pas que je franchirais pas du tout, bien entendu. En tout cas, les deepfakes commencent à avoir des effets vraiment sur le monde réel, quoi, et c'est vraiment que le début. Et oui, une mise en application hyper concrète des deepfakes avec les dérives sur la société, comme on pouvait le dessiner, mais là c'est des exemples très concrets qu'on voit défiler sous nos yeux. On parlait aussi des exemples de multitudes de contenus générés par intelligence artificielle qui allaient peut-être polluer le web. Je le mentionnais là tout à l'heure avec les images et puis dans l'épisode hebdomadaire sur des faux avis et pourquoi pas des fausses descriptions de tout et n'importe quoi en fait. Et c'est assez facile de les identifier, Guillaume. Oui, petite news en passant, on avait parlé de la possibilité de repérer les textes générés par IA en cherchant les messages d'erreur. Déjà, en anglais, on avait parlé de ça, mais c'est comme ça qu'on a découvert des dizaines de sites qui utilisaient ChatGPT pour leur contenu, mais ça existe aussi en français. Et ça a été repéré, par exemple, dans des annonces immobilières. Alors, c'est pas dur, hein, à la fin du texte, voilà, qui décrit une magnifique demeure de charme de 6 pièces et 134 mètres carrés, t'as l'expression « regenerate response ». Ça fait un petit peu tâche, et ça fait surtout partie des choix que tu as sur ChatGPT pour écrire une réponse qui te convient pas. Et sur Twitter, René Coton s'est amusé à faire donc tout un fil comme ça, et voilà, pour en recenser plein, il y aurait 2640 occurrences sur le web français de cette expression « regenerate response ». Donc 2640 occurrences de texte générés par ChatGPT de manière quasi certaine, et donc probablement 50 fois plus qui passent sous le radar. Oui. Et voilà, et on en trouve partout, sur le site Superprof, sur le site de Soch, par exemple. On en trouve sur Pôle emploi, dans les mentions légales de Hi-Fi Labs, dans Paru vendu pour une maison à vendre, dans des fiches produits sur Amazon, sur Auchan, dans des témoignages clients sur un site d'assurance, et même dans un article scientifique dans le journal Toxins. Donc voilà, ça commence fort. Ouais, on va en voir de plus en plus, et c'est effectivement la partie émergée de l'iceberg, donc on peut se douter qu'il y en a beaucoup qu'on ne voit pas forcément passer dans notre radar. On continue, Guillaume, avec Neurofren. Tu me fais rire. Ouais, Neurofren. Bon, elle est nulle, je sais. Non, elle est bien, c'est validé. En tout cas, la start-up Neuro, donc, qui fait des petites camionnettes comme ça de livraison, licencie elle aussi pas mal et stoppe la production de véhicules, elle se concentre sur la R&D. Donc les conditions économiques restent compliquées, hein, et d'ailleurs même pour les autres acteurs de la voiture autonome, il faut se serrer un petit peu la ceinture, parce que bon, les voitures autonomes, ça pond des téraoctets de données par jour, et ça coûte un bras à stocker, hein, tous ces trucs. Alors par an, les Waymo, les Cruise mettent des millions rien que pour le stockage de leurs données dans les différents clouds. Et c'est probablement, on parle de pétaoctets, de dizaines de pétaoctets. Et là, bah, il faut faire un petit peu de ménage en ce moment. Heureusement, avec les modèles qui s'affinent quand même, bah, certaines données deviennent moins pertinentes, tu vois, des données sur des conditions météo qui sont bien maîtrisées. Bon, on va les virer parce qu'on n'en a plus trop besoin, en tout cas en grande partie. Et dans les premiers temps, Waymo pouvait générer et stocker 1 teraoctet de l'heure. Et en plus, comme à l'époque ils étaient assez petits, ils faisaient pas vraiment gaffe, donc vraiment ils stockaient absolument tout, mais ça a beaucoup changé. Donc mais ça reste quand même des gros volumes. Too Simple, par exemple, qui est une autre boîte du secteur, a déjà 50 pétaoctets de données de stockage. Wow. Et elle les transfère en stockage froid pour que ça lui coûte un peu moins cher, en grande partie, mais voilà, ça doit quand même coûter un maximum, donc elle doit faire vraiment très attention à ses comptes. Donc et bon, en plus, quand tu vas vers le déploiement, bah du coup, tu as besoin de moins de données, a priori, mais évidemment, le déploiement, forcément, ça veut dire, et c'est quand même un gros enjeu, parce que ça veut dire qu'il y aura des flottes de véhicules beaucoup plus importantes, et donc encore plus de données. Et en plus, bah, quand tu es déployé, voilà, c'est plus un truc de R&D, hein, tu dois faire du fric, et donc les coûts deviennent un enjeu majeur. Donc il va falloir voilà, vérifier ça assez, assez fort. Je lutte contre un retour de fourmis là pendant qu'on enregistre l'épisode alors que je pensais les avoir éradiqués. Écoutez l'épisode hebdo en intro pour comprendre de quoi je parle, et on va clôturer du coup, Guillaume, cette rubrique intelligence artificielle. Elles me font peur à force, j'ai l'impression qu'il y a des fourmis qui me regardent là, j'ai très peur, pardon. Probablement. Donc oui, on finit cette section IA avec Claude. Claude, bah oui, il a l'air sympa, Claude. Il la ramène pas trop, on n'en parle pas trop, hein, mais il gagne à être connu. C'est bon, vieux Claude. Claude, c'est le GPT d'Anthropique. Alors, c'est pas facile d'exister à côté de la rockstar d'OpenAI, hein, et de Bard. Oui, quand même. Mais Claude, il est pas mauvais. Hein. Il a des valeurs, c'est un gros lecteur, donc c'est un mec sympa, sans aucun doute. Pour les valeurs, bah, c'est des classiques. Hein. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, et bizarrement, aussi quelques conditions d'utilisation d'Apple pour avoir une couche vie privée, parce que bon, c'est vrai que la vie privée, c'était moins un enjeu, disons, dans la Déclaration des droits de l'homme, tout ça, c'était un petit peu trop moderne. Donc ces valeurs sont utilisées en fait pour fine-tuner, pour modifier Claude, et pour en faire un bot qui a une éthique. Une éthique au maximum, en tous les cas, et qui a des valeurs universelles. Enfin, universelles pour beaucoup de gens, mais sans doute pas pour tout le monde, évidemment, à chaque fois. Il est quand même écrit dans les instructions pour le chatbot qu'il faut choisir la réponse qui est la plus inoffensive et éthique possible, en évitant toute réponse toxique, sexiste, raciste ou qui encourage le comportement des comportements illégaux ou violents. Voilà ce qui fait probablement de Claude un chatbot woke, je suppose, donc avec des valeurs vrai. Qui seront contestées dans certains pays et même beaucoup aux US. Mais ouais. Bon. Voilà, Claude, donc le Claude le woke, est aussi un gros lecteur, hein, comme on l'a dit, puisqu'il le prouve en lisant Gatsby le Magnifique d'entrée en 22 secondes. C'est un lecteur rapide en plus, hein. Et ensuite, bah ensuite, évidemment, on peut lui poser des questions là-dessus, des questions pointues sur l'intégralité du bouquin. Il répondra sans aucun problème. à n'importe quelle question. La fenêtre de contexte de Claude est désormais de 100 000 tokens. C'est absolument énorme, puisque c'est autour d'à peu près 75 000 mots. Ça va même bien au-delà de des 32 000 de la version la plus chère de GPT-4, ce qui veut dire que Claude peut clairement lire et résumer un livre entier en quelques minutes. Donc c'est vraiment un sacré progrès, ça montre aussi les efforts qui sont faits en ce moment pour donner plus de mémoire aux modèles de langage et les rendre encore plus utiles. Ce bon vieux Claude qu'il va falloir suivre de très près. On close cette rubrique intelligence artificielle et on va parler un petit peu environnement type réseaux sociaux. Bah oui, il y a une news hein, qu'on ne pouvait pas ne pas citer cette semaine, c'est obligé. Il y aurait une nouvelle CEO pour Twitter. Guillaume, enfin Elon Musk lâcherait-il les rênes de Twitter à quelqu'un de plus sensé ? Pas sûr. Je ne sais pas. En tous les cas, Elon a choisi effectivement le prochain CEO. Ce sera une CEO, ça sera Linda Yaccarino. Elle a été responsable de la pub chez NBC Universal, qui est un conglomérat média absolument monstrueux qui regroupe des dizaines de marques. De Universal Pictures en passant par DreamWorks, Sci-Fi, Illumination, NBC bien sûr, mais aussi CNBC, Peacock, le Weather Channel, j'en passe, enfin bon, c'est monstrueux, c'est énorme. Et figure-toi que ce monstre absolument énorme, il fait lui-même partie de Comcast. Comcast, qui est le plus gros câble opérateur américain, qui possède aussi plein de sites, hein, Comcast, d'ailleurs, via NBC, a d'ailleurs des parts dans Vox Media, qui est la maison mère de The Verge et Polygon. Voilà. Donc voilà, enfin bref, aucun souci de concentration, tout ça, tout va bien, pas grave. Comcast est probablement d'ailleurs une des boîtes les plus détestées aux États-Unis, mais bon. Donc, responsable de la pub chez NBC Universal, c'est quand même un gros poste. Et donc, on voit immédiatement pourquoi Twitter, qui est complètement mort de faim, pourrait bénéficier de son expertise hein, à Linda Yaccarino, et aussi de son carnet d'adresses. Parce que Linda, elle a fait des deals monstrueux avec Apple, Snapchat, YouTube, des deals qui ont généré, pendant les années où elle était là-bas, dans les 100 milliards de dollars au total, quoi. Hein. Et puis, ça doit aider que Linda, elle aime bien Musk. Voilà, elle le trouve sexy, je sais pas. En tout cas, elle a dit qu'elle admirait son combat pour la liberté d'expression, tout ça, elle est plutôt positive. Et donc, une responsable de pub qui signe des contrats Nike et qui admire Elon Musk, bah écoute, ça sent pas franchement la passionnariat communiste. Hein, et pourtant, il y a quand même sur Twitter des gens pour avoir peur que, sous son ministère, la plateforme redevienne comme avant. C'est-à-dire insupportablement gauchiste, bien entendu. Tu vois. La raison en est qu'elle a participé au Forum économique mondial, qui est, comme chacun le sait, un repère de trotskistes. Heureusement, Tucker Carlson arrive, je pense qu'on a vu ça aussi sur Twitter. Oui. Lui aussi, il dit qu'il a réussi à se faire virer de chez Fox News, hein, avec Tucker quand même. Hein. Alors, c'est pas pour ses propos délirants sur à peu près tout, en fait, mais c'est peut-être pour ses comportements misogynes et inappropriés, ou plus simplement parce qu'il a mal parlé des dirigeants de la chaîne, durant le procès en diffamation avec Dominion. Bon, enfin, en tout cas, Tucker s'est fait virer, et donc il a pris son badge bleu, et il va lancer une émission sur Twitter, sur la plateforme. Incroyable. Alors, ça manquait quand même, hein. Et bon, enfin, en tout cas, voilà, il va falloir qu'il fasse plein de pubs, hein, étant donné qu'il doit s'asseoir sur 25 millions de dollars de clause de non-concurrence avec Fox pour cette émission, mais bon, voilà, c'est pas comme si les procès entre lui et la chaîne étaient terminés. Enfin, c'est complètement le bordel, mais enfin, voilà, écoute... Effectivement, Twitter espère bien que Linda va ramener des gros, gros, gros annonceurs sur Twitter qui vont rapporter du gros, gros, gros pognon. Eh ben, je sais pas si on lui souhaite. J'allais dire on lui souhaite, mais en fait, je sais pas. Les travailleurs du sexe et le badge Twitter Blue, Guillaume. Comment ça se fait que je me suis planté dans l'ordre de mes... Parce que là, clairement, j'arrivais pas à faire... Mais c'est Twitter. Tu t'es planté sur quoi ? Oui. Quoi ? Non, il n'y a pas de problème. Oui, sur Twitter, effectivement, il y a des utilisateurs qui sont plutôt contents des changements que Musk a initiés et du badge bleu. Et oui, c'est les travailleurs du sexe et les travailleuses du sexe, effectivement. Pour eux, la pilule bleue à 8$ fait bien gonfler leur audience hein, et protège même, dans une certaine mesure, des arnaques et du catfishing souvent fait en leur nom. Alors Twitter a toujours été un réseau social le moins hostile au sexe en fait. Et souvent les pros l'utilisent pour faire de la promo pour leur OnlyFans ou autre. Ouais. Et bon, dans un monde de post-fosta-sesta, c'est assez précieux. Et donc le badge bleu, ça leur assure plus de visibilité, ça leur permet d'avoir un espace où poster plein de vidéos sans limite et plus de liens dans leur biographie. Et puis bon, on va pas se mentir, si tu payes sur Twitter... Le Twitter, il va te garder. Hein. Mmh. Il mord de faim comme il est. Si tu payes, tu es précieux pour lui. Donc, il va pas te virer ou te bloquer pour un oui ou pour un non. Il va te laisser assez tranquille. Et ça, c'est vraiment sympa pour le secteur. Quoi. Et encore une fois, pour les pros, la vérification fonctionne ça fonctionne un peu, ça fonctionne vraiment en fait. C'est-à-dire que les usurpations d'identité sont moins courantes. Parce que si tu veux usurper l'identité d'une star du porno pour faire du catfishing, il faut que tu payes un badge bleu, tu vois. Et du coup, ça fait une friction supplémentaire. Parce qu'en fait, pratiquement tous les pros ont leur badge. Et donc, c'est inattendu, mais dans l'ensemble, les travailleurs du sexe et les travailleuses du sexe sont contents du changement. Et comme c'est pas demain la veille que ça va revenir comme avant, ils sont assez tranquilles. Bon, écoute, tant mieux pour eux. Je vois pas en quoi la souscription du badge bleu les protège, d'une manière ou d'une autre, sur Twitter. Mieux. Les protège de quoi ? De l'usurpation d'identité ? Ouais. Parce qu'il faut payer un badge bleu. Alors, ça reste possible. C'est pas très cher, quoi. Mais ça introduit une friction supplémentaire. Ouais, ok. Ok, comme quoi ça peut aller dans le bon sens, à savoir. On continue avec les sujets sulfureux un peu olé olé avec Reddit, Guillaume. Et oui, Imgur va virer 90% de son contenu, t'as pas pu rater ça. Enfin, j'exagère sans doute en disant 90%, mais bon. Comme il va virer le contenu sexuel et le contenu anonyme, ça va faire vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Et c'est aussi par la même occasion un coup dur pour la mémoire d'Internet, tout ça, parce que Imgur, c'est un site de hosting d'images depuis, je sais pas, plus de 10 ans, peut-être même 20 ans d'ailleurs, qui est énormément utilisé sur Reddit, par exemple. Et bon, si Imgur fait une purge, il y a des millions de posts qui vont mourir instantanément. Et donc, la mémocalypse va arriver, quoi. Alors, Imgur a poussé des volontaires à archiver tout le contenu possible, avant la fin, quoi. C'est le 15 mai, la fin. Et bon, ça représente au bas mot un petit milliard d'images, quand même, à reprendre. Ça en fait de la donnée. Le pire de tout, c'est qu'ils y sont probablement arrivés ou pas loin. Parce que le 14 mai, ou un truc comme ça, ils en avaient déjà aspiré 760 millions, quand même. Donc, ils ont bossé dur. Hein. Mais bon, le souci, c'est qu'il n'y a pas que le porno, il y a aussi les images donc, des utilisateurs anonymes, donc ceux qui n'ont pas de compte, et on ne sait pas, du coup, avec précision, qui va partir, tu vois. Et donc, bon, voilà. En tout cas, devant la détresse, la détresse des internautes, Reddit accepte désormais l'upload d'images coquines. Et en fait, c'était déjà possible sur mobile, mais bon, maintenant, ça devient aussi sur desktop. Et donc, la transition va être rude, mais voilà, apparemment, Reddit va prendre une certaine relève à Imgur, en tout cas pour le cul, qui est une partie non négligeable d'Internet, hein, qui va, du coup, être sauvée, donc alléluia. Eh ben, tant mieux. On a eu une grosse actu ce week-end autour de ByteDance et de TikTok avec un ancien responsable qui dénoncerait a priori des pratiques assez problématiques, Guillaume. Ça a été intenté par l'ancien chef de l'ingénierie qui s'appelle Yin Tao Yu. Alors, en gros, lui dit qu'il a été licencié à tort. Et donc, il a été licencié à tort parce qu'il s'est opposé à des pratiques qu'il trouverait répréhensibles. Chez l'entreprise, quoi, hein, TikTok et ByteDance, en fait, il affirme que, c'est lui qui le dit, il y a eu du vol de contenu, et en plus, il dit que ByteDance agit comme un outil de propagande utile pour le Parti communiste chinois, je cite. Et en plus, il confirme que des employés basés en Chine pouvaient accéder aux données des utilisateurs américains. Et donc, il y avait apparemment une unité spéciale de membres du Parti communiste chinois dans les bureaux de ByteDance. Au début de TikTok, il y a du contenu sur Snapchat, des vidéos et tout ça vraiment populaires qui ont été tout simplement copiées sur TikTok. Voilà, donc du vol de contenu. Il y a eu aussi, d'après ce qu'il dit, des chiffres d'engagement et d'utilisateurs, du nombre d'utilisateurs qui ont été artificiellement gonflés. Donc c'est quand même, on va dire que c'est vrai. Enfin, même si ça reflète ce qui se faisait sur TikTok il y a 5 ans, parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'il a été viré, ce qui se faisait sur Douyin et TikTok il y a 5 ans, c'est quand même, c'est pas très glorieux, et c'est pas ça qui va arranger les affaires de TikTok aux États-Unis. Ça, c'est clair et c'est net. Hein. Donc, à voir comment ça va tourner, mais bon, voilà, c'est vraiment... Yu a quitté l'entreprise en 2018, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça représente peut-être même plus le TikTok moderne, mais c'est quand même un gros, gros problème d'image de marque. Hein. Ouais, c'est difficile de gommer cette image, même si elle est ancienne, surtout compte tenu du terrain fertile à ce sujet concernant TikTok aux États-Unis et partout dans le monde. Un dernier mot, Guillaume, au sujet de YouTube. Et oui, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que YouTube va il a lancé même une expérimentation qui consiste tout simplement à te dire que, les bloqueurs de publicité, c'est pas sport. Donc, soit tu vires ton bloqueur de publicité, soit t'as pas accès à YouTube. Et bon, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent des bloqueurs de publicité parce que, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de pubs sur YouTube. Et si tu veux pas les avoir, il faut payer c'est pour YouTube Premium. Et oui, de l'avis général, il y a vraiment beaucoup de pubs sur YouTube. C'est-à-dire, au début, ça allait, mais là, c'est devenu n'importe quoi, les pubs sur YouTube. Et donc, oui, ben, forcément, il y a une escalade. Hein. Plus il y a de pubs sur YouTube, plus il y a de gens qui utilisent des adblockers. Du coup, est-ce que c'est vraiment à cause de ça? YouTube a engrangé 7,96 milliards de dollars de recettes publicitaires le dernier trimestre, et c'est quand même une baisse de 8% par rapport à l'année précédente. Alors, est-ce que c'est directement relié à ça? Je sais pas, mais peut-être, tu vois. Et du coup, voilà, il y a cette espèce d'équilibre toujours débile entre la pub, le gratuit, on veut du contenu gratuit, mais du coup, il faut de la pub. Mais du coup, voilà, si tu vires les pubs, y a toujours plus de pubs, donc t'as toujours plus de... Bon, voilà, c'est le problème infernal et éternel un petit peu d'Internet, quoi, hein, et qui arrive sur YouTube, parce que, s'ils bloquent la pub, s'ils bloquent les bloqueurs de pub, ça va faire comme beaucoup, beaucoup d'autres sites qui le font déjà depuis très longtemps, donc on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi ils l'ont pas fait avant, d'ailleurs, mais clairement, ça va être extrêmement impopulaire, parce que c'est vrai que, ils sont quand même très gourmands sur... En tout cas, il y a vraiment beaucoup de pubs sur YouTube, c'est très difficile. Je fais partie des personnes qui se ruinent à payer un abonnement à YouTube Premium maintenant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que c'est le meilleur moyen de passer beaucoup de temps à consulter beaucoup de vidéos qui ne sont pas forcément beaucoup de gains de temps. Enfin bon, il y a pas mal de contenu hyper intéressant aussi sur YouTube, hein, faut peut-être le souligner. L'autre jour, j'ai lancé sur la télé du salon, qui est une télé connectée, sur laquelle il y a YouTube, le concert de Muse qui a eu lieu à Rome, je ne sais plus en quelle année, je voulais montrer ça à mes enfants. Et la pub est apparue. Mais la pub est apparue genre après chaque chanson ou pendant chaque chanson. Non, c'est terrible. Invivable. Et puis c'est non skippable, c'est devenu insupportable. Hein. Alors il y en a qui sont skippables au bout de quelques secondes, il y en a qui sont pas skippables. C'est infernal, c'est invivable. Et une fois que tu as payé l'abonnement, je pense que ça doit être pour le coup très très compliqué de s'en passer. Je pense que j'ai mis le doigt dans un engrenage absolument horrible que je regrette déjà, mais dont je ne peux plus me détacher. C'est terrible. Merci beaucoup Guillaume pour cette revue complète de l'actu tech qui complète l'épisode hebdomadaire où on a parlé de la Google I.O. Donc si vous voulez l'incontournable de l'actu tech de cette semaine, il faut écouter l'épisode précédent. Mais on est ravis d'avoir pu vous accompagner aussi pour cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez eu le sentiment d'être informé tout en étant dans un environnement un peu divertissant et pas trop cadré comme ça peut l'être sur les médias traditionnels comme la télé et la radio, je compte sur vous d'une part pour le faire savoir sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou en déposant quelques étoiles sur Spotify ou évidemment en faisant connaître Tech Café à votre entourage. C'est probablement le meilleur moyen de gagner en audience. C'est aussi de nous baser sur la force de recommandation que vous pouvez avoir auprès de vos collègues, de vos amis ou de votre famille. Donc si jamais vous avez des discussions pendant le repas dominical autour de l'intelligence artificielle, si jamais pendant ce pont vous voyez des amis et que vous parlez des innovations tech, je pense que le moment sera parfaitement bien choisi pour recommander d'écouter Tech Café. Vous pouvez même leur montrer qu'on peut installer l'application qui permet d'écouter les podcasts sur le smartphone. Guidez-les, parce que parfois on ne sait pas comment découvrir les podcasts au début, c'est pas toujours évident. Une fois qu'ils seront convaincus, ils viendront grossir les rangs de nos auditeurs et peut-être que parmi cette masse innombrable d'excellents auditeurs qui nous suivent chaque semaine, il y aura une partie qui viendra nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé. En échange des quelques euros par mois, on peut bénéficier des épisodes du podcast sans la pub, mais aussi et surtout de la plus grande fierté qui soit, celle de soutenir le podcast indépendant durablement et attendre les épisodes le plus longtemps possible dans les apps de podcast. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Où est-ce qu'on peut me retrouver sur Internet? Je me tâte un petit peu parce que quand même, 20 000 dollars la minute, c'est quand même c'est pas mal. Je me demande si ma carte graphique, elle pourrait pas me rapporter un petit peu quand même, parce que franchement, non, c'est mal. Mais bon, quand même, 20 000 dollars. Non, mais c'est mal. Mais 20 000 dollars. C'est mal. C'est mal. Mais quand même. Mais c'est mal. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux ou peut-être dans les rayons du supermarché, dans les gels formicides. On dépose quelques gouttes et les fourmis viennent se nourrir. C'est absolument pas cool de voir qu'on va éradiquer une population entière, mais honnêtement, elle n'avait qu'à pas s'insérer dans mon casque audio. Je vois même là qu'elle rampe le long de mon bras de micro et qu'elle se rapproche doucement mais sûrement de l'unité centrale. Je n'ose pas savoir ce qui va se passer. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Elles me font peur. Elles sont en rang comme ça. Elles se suivent en plus. Ah. Et plus je regarde, plus il y en a. J'ai très peur.